Bonjour et bienvenue sur Radioactive. Bienvenue dans un nouveau rendez-vous que nous vous proposons aujourd'hui, les retraités s'activent. Vous nous écoutez sur le 94.7 à Amboise et 93 FM à Montlouis. Aujourd'hui, nous recevons un groupe de personnes retraitées qui est accompagné par le service Entourage, qu'a accompagné Morissette du service Entourage. C'est un partenariat qu'on est vraiment ravis de mener. Entourage qui est un dispositif de lien social qui est mené par la communauté de communes du Val d'Amboise. On est tout à fait ravis de vous présenter cette nouvelle émission. Je vais laisser nos invités du jour se présenter l'un après l'autre. Alors, je vais vous demander votre prénom, d'où vous venez, et puis un petit mot sur ce que vous aimez faire, votre loisir, votre centre d'intérêt. Voilà, à vous. Oui, je m'appelle Marcel. Je viens de la résidence senior des Myosotis à Nazelle. Mes hobbies, le jardinage. Mmh. Et puis, je suis active dans plusieurs associations dans la communauté de communes. Voilà. Oui. Je peux en témoigner, Marcel est connu localement. Ah bon? Bien, notre invitée suivante. Bonjour, je m'appelle Morissette, j'habite Nazelle-Négron, au Myosotis. Et moi, je suis parisienne, mais je suis venue en Touraine parce que j'ai travaillé au village d'enfants de Possé-sur-Cisse. D'accord, qu'on connaît bien, oui. Voilà. Et alors, puis, vos centres d'intérêt, vos loisirs? Eh bien, j'aime bien un petit peu tout. J'aime bien me promener, j'aime bien rigoler, j'aime partir en vacances, j'aime faire de la généalogie. J'ai retrouvé une cousine de ma mère qui habite en Bretagne et j'ai retrouvé mes origines comme ça. Ah, c'est super. Ben, Morissette, il faudra venir nous animer une chronique sur la généalogie. Comment on s'y prend pour faire son arbre généalogique? Ce sera intéressant. Oh ben, c'est facile. Invité suivant, nous vous écoutons. Oui, bonjour, moi je m'appelle Sylvain, j'habite sur Amboise depuis maintenant 19 ans à peu près. Ah oui? J'ai atterri ici, j'étais militaire, donc j'ai fini ma carrière à Tours. D'accord, si vous êtes resté, c'est que vous vous plaisez? Oui, Amboise est très jolie, ça me plaît bien. Super. Et je pratique également la marche, la pétanque et le vélo. Ah, mais c'est bien, dans l'ordre? Dans le désordre, n'importe. D'accord. Bon, ben, très bien. Eh bien, on poursuit le tour de table avec Gérard, je crois. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gérard, j'habite aussi au Myosotis. D'accord. Et je ne suis pas du tout de Touraine, parce que je suis arrivé ici, en fin de compte, grâce à Maurice Athéna. Ah. Enfin, il y a toute une histoire, il y a un petit pied de nez de la vie, parce que ma fille habitait à Amboise. Elle travaillait à l'université à Tours. Mm-hmm. Et elle me dit, papa, comme j'habitais à Clichy et que la cité devenait de pire en pire, elle m'a dit, il faut que tu te sors de là, viens t'installer, on va essayer de trouver un appartement. D'accord. Et donc, il y a eu une intervention, on m'a appelé un jour, c'était une dame qui s'appelle Morissette qui m'a dit, est-ce que vous cherchez toujours un appartement? J'ai dit, oui, bien sûr. Ouais. J'étais à Amboise d'ailleurs, parce que c'était les vacances et j'étais avec mes petits-fils. Ouais. Et ben, le pied de nez de la vie, c'est que je m'installe à Amboise et ma fille, elle est mutée à La Roche-sur-Yon. Alors, je ne vous cache pas que redéménager, ça ne me tentait pas tellement. Et puis bon, en plus, j'y suis bien. Mais sinon, moi, je suis un Parisien vrai de vrai, quoi. D'accord. Je suis né à Paris. J'ai fait toute ma carrière à la RATP. OK. Où je m'occupais d'un service de climatisation. Et puis voilà, je suis franco-belge, parce que ma mère est belge. D'accord. Enfin, elle est belge. Et puis, je peux même parler comme ça, si vous voulez. Oh, ça, c'est intéressant. Bon, oui. Hein. Va-t'en jouer avec les gamins de ta rue. Hein. Et puis, puis c'est tout, hein. Alors Gérard, vous avez évoqué les Myosotis et auparavant Marcel a évoqué aussi les Myosotis. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qu'est-ce que c'est les Myosotis? Alors les Myosotis, c'est un immeuble qui est dédié aux seniors. On est 12 personnes. D'accord. Et puis je peux dire un truc, c'est que je suis le plus jeune. Ah bon? Et c'est quand même bien être retraité, être le plus jeune quelque part. Hein. Effectivement. Et puis, c'est un immeuble où on peut partager, ou si on ne veut pas, on ne partage pas. Oui, on est libre. C'est à Nazelle, c'est ça? Oui, c'est à Nazelle. Oui. Ouais. D'accord. Et moi, je trouve ça assez formidable, quoi, parce que voilà, on a nos petites réunions le mardi, là. On refait le monde ou on le défait, d'ailleurs. Et puis, ça se passe bien. Hein. Donc là, on est vraiment dans le lien social. Donc on est vraiment dans ce que Morissette met en place. Parce qu'il y a un échange permanent. Oui. Il y a une espèce de surveillance, si, puisque quand on arrive, on donne nos clés à un voisin, voisine. Mm-hmm. Et ce qui permet en fin de compte une deuxième sécurité. Oui, bien sûr. Voilà. C'est intéressant de voir comment ça l'idée fonctionne. Mais moi, quand Morissette Hénin, elle m'a présenté l'idée, j'ai tout de suite adhéré. Moi. J'ai toujours été dans le milieu associatif. Pendant 20 ans, j'ai tenu un club de taekwondo à Paris. Donc j'avais 7 ou 8 nationalités dans mon club. Oui, donc la collectivité, c'était quelque chose d'important pour vous. Ouais. J'animais déjà dans mon immeuble un comité de locataires. Il y avait 512 logements dans la cité et je m'occupais des syndicats. de locataires par rapport aux bailleurs, etc. Donc c'était assez riche, quoi. Nous, la fête des voisins, c'était du mafé, du couscous, oui. Voilà. Si, oui, forcément multiethnique. Ouais, ouais. Donc voilà, quoi. Moi, l'idée m'a plu parce que, étant donné que j'ai eu ma retraite de bonheur, parce qu'il y a tout ce qu'on raconte sur les RATP à la télé, enfin, moi, pour moi, je continuais, mais j'ai eu 50 ans, mon emploi se terminait à 50 ans, j'ai reçu ma lettre et hop, dehors. Ah oui. Et j'étais pas prêt du tout à ça. Moi, j'étais pas prêt du tout. Et donc, c'est vrai que je m'emmerdais un peu dans ma cité, quoi. Donc, Amboise, finalement... Oh, non, c'est bien, c'est bien. Bon, il y en a certains qu'il faut les supporter, quoi. Alors, les auditeurs ne voient pas, mais ils jettent un coup d'œil sur Marcel. Voilà, vous savez ce qui se passe dans le studio. Je plaisante énormément. C'est ce que je vois. Eh bien, Gérard, vu que vous êtes bien parti, on voit que vous aimez le micro. Je vais vous demander de présenter votre voisine. Moi, je ne la connais pas, mais c'est marqué dessus. C'est très bien, c'est marqué dessus. Ah, Michel, dites-moi d'où vous venez. Alors, je m'appelle Michel, effectivement. J'habite Nazelles-Négron. D'accord. Depuis fort longtemps. Je suis retraitée aide-soignante. Bravo, félicitations. Rien que ça, hein, ça se souligne. Merci. Voilà, mes hobbies, la lecture, la marche un petit peu. Mmh. Un petit peu. Hein. Non, je suis assez casanière quand même. Hein. Mmh. Alors, c'est surtout la lecture, les films. Je m'occupe de mes petits-enfants. Ah, justement, là, j'y retourne. Là, la semaine prochaine, je suis de garde. Là. C'est une belle occupation, ça. Voilà, je suis de garde la semaine prochaine. Donc. Excusez-nous, il y a Morissette qui est en train de bavarder derrière. Eh bien, merci, Michel. Vous vouliez ajouter quelque chose à cette présentation ? Très bien. Donc, on va passer à Pierrette. Bonjour, Pierrette. Bonjour, Pierrette. J'habite Nazelles-Négron. J'aime la lecture, les jeux de mots. Mm-hmm. Je m'occupe de mes petits-enfants. D'accord. Puis voilà. D'accord. Il y a longtemps que vous habitez Nazelles ? Oh oui. Oui. Vous êtes originaire, vous êtes tourangelle ? Oui. D'accord. On voit que finalement, la plupart d'entre vous, vous êtes originaire du coin ? Oui. Non. Pas Michel. Moi, je viens de l'Est. Ah, d'accord. Je suis Mosellane. Oh, très bien. D'accord. Il y a de la bonne Mirabelle par là. Voilà. Et mon père était mineur de fond. Très bien, d'accord. Ah, c'est intéressant. Il y aurait plein de choses à nous raconter, à témoigner là-dessus. Voyons, on va trouver tout un tas de sujets pour les prochains rendez-vous des retraités s'activent. Eh bien, merci. On va passer à nos camarades suivantes qui attendent. Nous continuons ce tour de table avec trois mesdames qui sont avec nous également. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis Claudette. Alors Claudette, vous venez d'où ? Ah ben, je suis originaire d'Amboise. Je suis une pure amboisienne. Ah ben, vous n'êtes pas dépaysée aujourd'hui alors. Mais c'est une première fois à la radio ? Oui, tout à fait. Eh ben, comme quoi, voilà, une nouvelle aventure sur votre territoire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Quels sont vos centres d'intérêt ? Alors, je suis adjointe dans une mairie et j'adore. Ah oui, c'est vrai ? C'est une belle expérience, on apprend plein de choses. Et vous êtes chargée de quoi ? Enfance, jeunesse et lien social. Ah oui, dis donc, oui. Plein de choses là, effectivement. Oui. On peut dire quelle mairie ou c'est secret ? Non, la mairie de Saint-Ouen-les-Vignes. Non, bah très bien, Saint-Ouen-les-Vignes qui est une petite commune très très vivante qui fait plein de choses. On connaît bien le comité des fêtes de Saint-Ouen, avec notamment Véronique. Avec Véronique, qu'on salue si elle nous écoute. Et du coup, je fais aussi de la couture. J'adore D'accord. la couture. Ok. Confectionner des habits pour moi, pour mes petits-enfants. J'ai une association où j'apprends l'ordinateur aux personnes âgées. Super. Servir d'un ordinateur, aller sur les sites, créer une messagerie, voilà. Alors, grâce à vous, certains pourront écouter les podcasts de Radioactive, alors. Oui. Eh oui. C'est ça. Très bien. Eh bien, on va poursuivre. Moi, je suis Michel. Bonjour, Michel. J'habite au Myosotis. Très bien. Depuis 2022. D'accord. Grâce à Morissette. Donc, avec Marcel et Gérard. Voilà. Entre autres. Et puis, oui, Morissette, Gérard et Marcel. Et Marcel, pardon. C'est Morissette qui est venue me voir, que j'habitais sur Nazelles, aux Horizons Verts, et puis elle m'a proposé. J'ai été enchantée de pouvoir m'installer. Les appartements sont très bien, il y a des jardins. J'adore faire du jardinage. J'aime faire de la couture aussi, mais peut-être moins que... Et j'aime lire. Lire, faire de la dentelle. Oh. La dentelle au fuseau. C'est du travail, ça. Oui, j'adore ça aussi. Et puis faire de la pâtisserie aussi, j'aime bien. Ah. Et puis c'est vrai que les Myosotis, c'est très bien parce qu'il y a un contact avec les voisins, on peut échanger. C'est vrai, comme disait Gérard, on donne notre clé, on se sent moins Moins isolé, plus en sécurité. Oui, en fait. Parce que j'ai des petits problèmes de santé et de voir les voisins venir me voir pour voir si ça allait, ça aide. Ça rassure. Quoi. Oui, ça rassure. Ah oui, bien sûr. Et puis, je suis touraine, moi. Je suis née à Zé, mais il y a très longtemps que j'habite à Nazelles. D'accord. Voilà. J'ai travaillé à l'Estra, Amboise. Ah oui. Puis voilà. Très bien. Eh bien, merci pour ce témoignage. Et puis, notre dernière invitée. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yvette. J'habite à Meaune depuis 8 ans. Je m'occupe de ma maman qui habite Montreuil. En Touraine. Je vais tous les deux jours, voire tous les jours. Et bon, je gère beaucoup de choses, quoi. Oui, j'imagine. Donc, ça prend un peu de temps. Sinon, j'aime la promenade, le jardinage. Le mardi, je vais faire des jeux avec d'autres personnes déjà d'un certain âge. D'accord. Voilà, ça prend pas mal de temps. Que vous faites le mardi au myosotis aussi ? Non, je ne suis pas des myosotis, moi je suis de Meaune. Oui, vous êtes de Meaune, mais il m'a semblé comprendre que le mardi, il y avait un temps de rassemblement quelquefois au myosotis, donc je me disais peut-être que, mais non. C'est exclusivement des jeux Scrabble, cartes. D'accord. C'est à Meaune, ok. Voilà. C'est une association, en fin de compte. Ouais. D'accord, c'est une association qui propose des temps comme ça de loisirs tous un petit peu pour se retrouver. Voilà, ok. D'accord. Si vous aimez marcher, à Meaune, vous avez des magnifiques bords de Loire. Oui, bords de Loire, c'est sympa. Ouais. Même s'il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment. Non, mais ça n'empêche pas. Eh bien, merci beaucoup. C'était un très beau moment partagé aujourd'hui de faire votre connaissance. Et puis, j'espère que vous aurez apprécié ce moment de radio. Alors, on a deux techniciens. Habituellement, on a Vincent qui est en technique. Mais là, en fait, Vincent, il est accompagné de deux collègues aujourd'hui qui se sont joints à lui en régie. Alors, il ne souhaitait pas forcément parler. Est-ce qu'on peut au moins connaître vos prénoms, messieurs ? Est-ce que c'est envisageable, ça ? Parce que sinon, on va rendre l'antenne et on ne saura même pas que vous étiez là. Ce serait dommage. Bonjour. Ouais, moi, c'est Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Ancien technicien de salle de spectacle. Voilà, ce qui explique le fait d'être du côté régie. C'est ça. Ok, merci Jean-Pierre. Et puis à côté de Jean-Pierre, on retrouve Denis. On le salue, coucou, on lui fait des coucou à Denis. Voilà, il nous répond. Et voilà, tout va bien. Eh bien, merci à tous pour votre participation. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans cette première émission Les Retraités s'activent. Et puis, j'espère qu'on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission où on parlera d'un thème que nous choisirons ensemble. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.